Bonjour, il est midi sur les 106,6 MHz de Radio Campus. Nous sommes le 18 février et vous écoutez Angle d'Attaque, une émission proposée par les trois comités locaux de la métropole lilloise. Attaque A2TAC, Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Et pour vous servir, Florent à la table, qui nous trouve toujours la chanson qu'il nous faut et qui nous invite à nous déplacer dans la métropole avec son calendrier militant. Les intervieweurs du jour sont Didier le Nouvelliste, Ludovic Luc Gramchien et René Lascience, et au micro Christian. De quoi parlons-nous aujourd'hui ? D'une substance qui se tient en trois lettres et en trois molécules, deux d'hydrogène et une d'oxygène, l'eau bien sûr. Et ce liquide, ou plutôt sa diminution, quand il ne s'agit pas de disparition, inquiète forcément. On aurait pu penser que dans Schnorr-Pas-de-Calais, on ne connaîtrait pas de problème de manque d'eau, tant nous avons connu il n'y a pas si longtemps des automnes pluvieux, tant la région est parcourue de rivières. Eh bien si, les cinq derniers étés de chaleur sans précipitation et le dernier avec la canicule menacent la ressource. Et si l'eau venait à manquer ? Les nouvelles sont alarmantes dans les Hauts-de-France, hier encore deux pages dans la Voie du Nord. La région n'est pas épargnée, et pas forcément la métropole lilloise non plus, évidemment. Pour en parler, nous recevons l'ami Pierre-Yves Pira, porteur du collectif Eau de la métropole lilloise et membre du Conseil de l'eau de la MEL. Merci Pierre-Yves d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. C'est un plaisir. Tu es également conseiller municipal à Lambersart. Oui. Et en retraite. Oui. Bon, mais depuis peu, hein, donc tu ne mesures pas encore bien. Donc, le collectif Eau, un intitulé beaucoup plus long mais très signifiant. Tu veux bien nous le répéter ? Alors, c'est un collectif Eau pour une régie publique et les premiers mètres cubes gratuits. Voilà, tout à fait clair. Maintenant, on sait de quoi on va parler. Bien, c'est Ludovic qui va poser la première question. Question de vocabulaire, je crois. Oui, ben voilà, avant d'aborder effectivement la question de la régie publique, peut-être quelques éléments un peu sur l'état des lieux un peu hydraulique de la région, notamment de la métropole lilloise. Est-ce que tu pourrais nous donner voilà quelques éléments un peu à la fois de diagnostic sur la caractérisation de la ressource de l'eau et effectivement sur notamment lié à la sécheresse dont Christian parlait tout à l'heure. D'accord. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que le collectif Eau s'est créé il y a 10 ans. Et quand le collectif Eau s'est créé, on importait 20% d'eau de surface. Mais maintenant, on en importe 30%. On va chercher le dos de la Lys et on pompe moins l'eau des nappes phréatiques. Pourquoi ? Parce que le niveau des nappes phréatiques ont diminué. Alors, il y a deux niveaux. Hein, il y a il y a deux nappes différentes avec différentes profondeurs, mais en pompant beaucoup, notamment arrivé l'été, parce qu'il manque de l'eau, en pompant beaucoup, on concentre l'eau et il y a plus de pollution. Donc il y avait urgence à renouveler les nappes phréatiques, et pour faire ça, la MEL avait décidé donc d'augmenter l'arrivée de l'eau de la Lys, hein, qui... Je crois que ça vient du côté de Herder sur la Lys. Et là où il y a une usine de pompage qui s'appelle la Smael. Oui. Et donc, en faisant ça, on essaye de renouveler l'eau. Bon, voilà pour l'état des lieux, grosso modo. Hein. Mmh. Ceci dit, si on se projette dans le futur, on a une MEL qui est invitée à construire 60 000 logements pour accueillir donc quelque chose d'indispensable, hein, des personnes pour qu'il y ait des logements dignes à tout le monde. Ceci dit, 60 000 logements, c'est augmenter 120 000, 180 000 personnes potentielles, hein, voire plus. Et donc, de ce fait-là, nous sommes déjà en stress hydrique arrivé à l'été, ça va poser peut-être des problèmes, sauf si on fait venir de l'eau d'ailleurs. Donc de l'eau d'ailleurs, il y a plusieurs possibilités. Il y avait le projet d'Éric Raoult, le maire de Quesnoy, mais qui est l'ancien maire de Quesnoy, de Le Quesnoy, et qui est président de la plus grande régie publique au-dessus des Hauts-de-France. Noréade, voilà. Et donc, il voulait prendre l'eau de la Vénois pour l'amener sur la côte et en passant par l'île, et on aurait pu peut-être en prendre. Ceci dit, c'est supposé que l'eau de la Vénois est sans fin, quoi. Est-ce que cette ressource-là est inépuisable. Viable, inépuisable. Puis après, on peut faire venir, il y a un travail avec des entreprises belges, enfin avec les Belges, faire venir de l'eau du côté de par la Belgique. On se pose cette question-là, quoi. Hein. Alors, je ne sais pas si je réponds à la question, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on doit faire attention, d'une part, à la qualité de l'eau, hein, et puis d'autre part, aussi à la consommation de l'eau. Parce que plus on consommera de l'eau, et plus on devra faire venir de l'eau à grands frais, d'ailleurs. Et plus on payera. Et plus le prix de l'eau augmentera. Oui, donc ça pose la question des restrictions de l'usage de l'eau, restrictions qui, a priori, oui, toujours en vigueur donc dans la région. Est-ce que vous pourriez revenir effectivement sur cette question de restrictions, notamment suite à ce qui s'est passé cet été, où il y a eu un ensemble de mesures qui ont été prises? Est-ce que pour vous c'est suffisant? Est-ce qu'on devrait notamment restreindre peut-être certains usages, notamment les piscines, etc. Enfin, supposer qu'il y ait beaucoup de piscines dans la région. Mais... Alors, bon, il y a un contexte qui est le contexte du réchauffement climatique. Hein. Mmh. On sait qu'à l'horizon 2050, on aura une augmentation de 40% des eaux de pluie ici sur la moitié nord de la France. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'eau qui va arriver. Le problème, c'est que si ça passe par des périodes de sécheresse, on a une terre qui n'est plus capable d'absorber et ça va inonder. Mmh. Et donc, ça pose même des problèmes hein, du côté de la côte, puisque... vous n'êtes pas sans savoir que les terres du côté de la côte sont en dessous du niveau de l'eau, et donc oui. Il faut pomper l'eau pour la rejeter dans la mer, et donc si le niveau de la mer augmente, on aura moins de temps pour rejeter l'eau entre la marée basse et la marée haute, et donc il va falloir mettre en place des zones spongieuses qui accueilleront l'augmentation de l'eau, des eaux pluviales, et il va y avoir peut-être aussi des inondations par là, et peut-être des réfugiés climatiques. Hein. Alors, je n'ai pas encore répondu à la question, mais toujours est-il qu'il faut voir les choses dans sous le prisme du futur. C'est-à-dire que si on gère au fur et à mesure, on gère à la petite semelle, enfin, ça ne va pas, c'est pas bon. Alors, il y a peut-être une évolution sur la Melle, où maintenant on a une présidence de l'eau, alors que au mandat précédent, il y avait deux présidences de l'eau, mais il y aurait peut-être une évolution qualitative à avoir en mettant une seule régie publique de l'eau qui gérerait l'eau de la ressource à la distribution et qui pourrait peut-être avoir un plan stratégique futur sur les choses. Faire attention au type de culture, par exemple, ça serait déjà faire en sorte de ne pas épuiser l'eau inutilement. On voit qu'on utilise, qu'il y a des champs de maïs, des choses comme ça. Enfin bon, ce n'est pas forcément les cultures les plus appropriées ici, dans un endroit où on a un stress hydrique arrivé l'été, quoi. Donc en fait, il y a ça. Utiliser l'eau de pluie, ça pourrait être une solution qui permettrait donc de consommer moins, de faire venir de l'eau, enfin de ne pas faire venir d'eau d'ailleurs. Mais seulement, il faudrait une volonté politique. Et donc, chaque fois qu'on dit d'utiliser l'eau de pluie, on nous dit on va la faire payer parce qu'il y a l'assainissement après, etc. Alors que le consommateur, qui est le citoyen, pas le consommateur, le citoyen usager qui va utiliser l'eau de pluie pour le renouvellement, dans les chasses d'eau, hein, tout à l'heure, on en parlait juste avant l'émission, dans les chasses d'eau, dans les lave-linges, etc. Ce citoyen qui a conscience des problématiques de l'eau, il évite de faire venir de l'eau à grands frais d'ailleurs, ou de devoir dépolluer de l'eau. Et on devrait plutôt lui être redevable de l'effort qu'il fait, plutôt que de le faire payer en disant on va devoir assainir, quoi. Hein. Bon, on n'a pas une politique au niveau de la mer, qui encourage les gens à économiser et qui encourage les gens à faire autrement. Une question de René. Oui, une question. Justement, à ce sujet, où en est la politique de lutte contre les fuites du réseau de distribution? Parce que Suez l'avait laissé dans un état lamentable, et normalement, ses sources eaux devaient, et avec la Mel, devaient remédier progressivement à ce problème. Alors René, tu dois dire qui est Sourceo. Alors Sourceo, c'est une société qui est pas pub, enfin, qui est public, oui, qui donc est en, associé à la MEL pour la production d'eau et l'entretien du réseau, si je me rappelle bien. C'est ça? Oui, alors bon, c'est assez compliqué, parce qu'il y a plusieurs intervenants autour de la table. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est plus le prestataire Veolia qui est maître du pompage de l'eau, comme au mandat précédent. Hein. Alors, je me souviens plus de la question au départ, avant l'intervention. Oui, je veux dire, on sait que Suez nous avait laissé le réseau de distribution dans un état assez catastrophique, avec des niveaux de fuite importants. Et actuellement, où en est-on de la résolution de ce problème? Alors, il y a 10 ans, on était à plus de 80% de fuite, de taux de fuite. Hein. Ça représentait, imaginez, 32 litres par an par habitant. Donc, par jour, pas par an, excusez-moi. 32 litres par jour par habitant. Nous qui demandions les premiers mètres cubes gratuits, il y avait là, on pouvait regarder la chose autrement, quoi. Hein. Alors, il y a eu une politique. Alors, et à l'époque, la multinationale, Suez, avait un taux de renouvellement du réseau de 0,73%. Alors, 0,73%, imaginez, ça veut dire que. Il faut plus de 100 ans, en fait il faut 137 ans pour renouveler un point du réseau. Et avec des tuyaux qui ont une durée de vie réputée être de 40 à 80 ans. Donc ça pose problème, on fait des prières, on espère que ça va tenir et que ça va pas fuir, mais n'empêche que ça fuit, qu'il y a des mouvements. En plus on est une métropole très, très rurale, donc avec des tuyaux dans la campagne, etc., avec beaucoup, qui multiplient le risque de fuite. Donc il y a eu un effort qui a été fait, aussitôt que la nouvelle multinationale est venue. Vous avez une ligne en plus dans votre facture d'eau, et c'est la MEL qui est maître de cette ligne, et qui s'en sert pour augmenter le renouvellement du réseau. Mais on n'est pas arrivé à une compensation qui nous amènerait à un renouvellement tous les 80 ans. Hein. Donc il y a un léger mieux. Ceci dit, le léger mieux ne doit pas être suffisant, puisqu'on nous a fait voter l'année dernière un principe qui est de renouveler la délégation de service public à Veolia, parce que Veolia pourra investir les fonds qu'il faut pour tracer les fuites sur le réseau. Voilà. Et donc, c'est tout à fait discutable, puisque une régie publique pourrait le faire. Et ce n'est pas Veolia qui paye ça. Hein. Veolia, lui, c'est une multinationale, elle est prestataire. Mais c'est les fonds qui vont financer ça, c'est bien les fonds publics. À ce sujet, d'après les chiffres 2019 que j'ai... Les fuites du réseau représentent encore 16-27% de la production. Oui, donc il y a une amélioration. Hein, Oui, on est encore loin du compte. Oui, je voudrais vous poser une question pour essayer de voir clair. Hein. Donc, il y a trois éléments. Il y a la production de l'eau, il y a l'assainissement et la distribution. Qui s'occupe de quoi pour aller vite, quoi, pour clarifier? Alors, la production de l'eau, maintenant, est publique. Ouais. Et donc, ceci dit, dans les usines de pompage, on va retrouver les opérateurs. Par exemple, à Air sur la Lys, on va retrouver, c'est Veolia qu'on va retrouver, qui va prendre en charge. Mais c'est pas Veolia qui est le délégataire. Il répond à un appel d'offres dans ce cas-là. Dans la partie distribution. Donc, dans le renouvellement du réseau, c'est public. Enfin, c'est la MEL qui a la main et qui met en place ce qu'il faut, qui fait des appels d'offres pour que ça change. Mais on peut retrouver dans ceux qui vont travailler des entreprises qui peuvent être, par exemple, Veolia. Et tout ce qui est relevé des compteurs, etc., tout ça, c'est Veolia. Mais là, en tant que prestataire. Et ensuite, l'assainissement, on a une régie, on appelle une régie de marché, qui fait des appels d'offres et on va retrouver, dans la, par exemple, la station d'épuration de Marquette, on va retrouver, Veolia. Veolia. Donc, en fait, on a une partie qui est publique, avec une main publique, et une partie qui est avec des délégataires. Là où la multinationale fait le plus de bénéfices, c'est bien entendu quand elle est prestataire. La distribution. Voilà, quand elle a la distribution. Et à ce sujet, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à chaque fois qu'on délègue à une multinationale, on perd notre savoir-faire. Et donc, ici, sur la distribution de l'eau, sur la récolte des données, etc., on savait faire avant. On a délégué la multinationale Suez à capter ce savoir-faire. Elle a évolué avec les progrès scientifiques, etc. Nous, on a perdu ce pouvoir-là. Et au moment du renouvellement, et où on aurait pu choisir la régie publique, Suez a fait pencher la balance en disant « Mais moi, ce savoir-faire, je vous le revends, et je vous le revends X millions. » Ah oui. Et ce qui fait que, c'est Suez, hein, je n'ai pas dit Veolia, et ce qui fait que c'est Veolia qui a récupéré le marché et que les conseillers communautaires ont dit que c'était trop cher de reprendre de reprendre tout ça en régie publique. Donc en chaque fois qu'on délègue à une multinationale, on enlève ce qui fait notre richesse collective. Et il faut le savoir, quoi. En plus de ça, on va retrouver dans les universités des professeurs qui vont avoir des chaires avec Veolia, avec Suez, etc., qui vont former des gens qui vont avoir aussi une vision des choses d'une certaine manière. On a perdu, ce qui faisait notre richesse pour l'instant. Une question de Didier. Oui, donc Pierre-Yves, par rapport justement à ce que tu viens de dire, bon, il y a quelques années, il y a eu quand même pas mal de régies, enfin de villes, notamment Paris, qui sont retournées en régie publique. Et par rapport à ce qui se passe, par exemple, dans la métropole, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce qui change vraiment quand l'eau est en régie publique? Alors, ce qui change vraiment, c'est qu'on paye le prix juste. Alors, moi, je veux bien croire que ça sera le prix moins cher, hein, mais en tout cas, ce qui est sûr, ça sera le prix de la qualité. Le prix de la qualité et le prix d'un service public qui, à mon avis, en général, quand il y a un retour en régie publique, il y a une baisse du prix de l'eau quand même, de l'ordre de 20%. Hein. Mm-hmm. Mais c'est le prix juste qu'on va payer. Parce que, les multinationales... En fait, ne sont pas là pour rien, quoi. Elles rémunèrent des actionnaires. Et d'ailleurs, si vous vous intéressez à la question, regardez que les plus grandes multinationales au monde qui concernent l'eau sont Veolia, Suez, après il y a la SOR. C'est tout des entreprises françaises. C'est-à-dire qu'ici, on a réussi à faire fructifier des multinationales sur un bien commun, un bien vital. Alors qu'ailleurs, c'est en régie publique que c'est géré. C'est fait autrement. Et attention, c'est pas un peu, quoi, parce que ici, à chaque fois qu'on ouvre le robinet, on remplit les poches des actionnaires. Enfin bon, pas du même liquide. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on perd cet argent-là. Tandis que si c'est une régie publique, à chaque fois qu'il y a de l'argent, elle s'est réinjectée dans la gestion du réseau. Est-ce que tu pourrais nous parler du mode de calcul du prix de l'eau, justement, qui définit le prix de l'eau? Est-ce que c'est le marché qui décide ou est-ce que c'est les élus locaux qui... Juste avant, je vais quand même dire que là où c'est retourné en régie publique ailleurs, c'est parce qu'on a des élus qui ont fait des choix courageux, qui étaient volontaires et qui... le plus grand danger là-dedans, c'est d'assumer une responsabilité. Parce que la facilité, c'est de déléguer à une multinationale qui est censée avoir les reins solides. Alors que... Et les compétences. Alors qu'on pourrait nous avoir les reins solides, on pourrait avoir les compétences, les régies publiques locales pourraient se mutualiser, pourraient se compléter, on pourrait avoir peut-être même aussi un service public de l'eau au niveau national, en tout cas même européen, enfin j'en sais rien, en tout cas ce qui est sûr c'est comme c'est un bien collectif et que c'est un bien vital, eh ben ça serait bien que ça soit la puissance publique qui reprenne la chose. Sur le prix de l'eau. Alors déjà au départ, quand on pompe l'eau et qu'on la revend, ben c'est une vente de gré à gré. Il n'y a pas de valeur. C'est la loi de l'offre et de la demande, peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de valeur attitrée. Il y a des gens qui confisquent notre eau, parce que c'est la nôtre. Hein. Il n'y a pas de raison que quelqu'un dise ben, « c'est la mienne, je la vends très cher ». Et donc, le prix de base est déjà là. Après, on va dépolluer, ça va avoir un coût. Après, alors, ça va avoir un coût plus ou moins grand, hein, selon le fait qu'on va devoir enlever des pesticides, par exemple. Hein, ou enlever... Enfin, des pesticides, c'est très cher à enlever. Hein, c'est très, très cher. Et il y en a beaucoup dans la région. Et il y en a beaucoup dans la région. Hein, le fait de l'agriculture intensive. Bien sûr. Et puis, bon, on enlève aussi, il y a d'autres dépollutions. Hein. On a été aussi une région industrielle qui continue à l'être. Par exemple, l'année dernière, en janvier 2022, il y avait des traces d'un produit dans les eaux de l'Ambersart. L'Ambersart, hein, pourtant, c'est l'eau... c'est la même eau partout, mais sur un point de relevé sur l'Ambersart, il y avait des traces d'un produit chimique. Bon, j'ai fait une petite recherche, et ce produit chimique, il était produit à Saint-André, dans l'usine... c'était quoi, Kuhlmann? Kuhlmann, voilà. Oui. Et donc, en fait, on a ce passé industriel. Alors là, bien sûr, c'est des quantités infimes, hein, mais n'empêche qu'il y a une présence de cette pollution industrielle, et on va continuer à la payer dans les années à venir. Parce qu'on a toujours géré ça en pensant que l'eau est une ressource inépuisable, qu'on pouvait jeter dans les rivières. Hein, l'histoire de Métal Europe nous a montré aussi comment on a pollué la Dole. Mais bon, tout ça, après, ça va à la mer, après, ça va aussi dans les nappes phréatiques, etc., etc., quoi. Alors, effectivement, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, mais il y a aussi la production, le prix de l'eau est varié entre l'eau qu'on puise, l'assainissement et puis la distribution. Et la distribution, bien entendu. Ouais. Et après, une fois qu'il y a l'utilisation, la dépollution de... L'assainissement. Voilà. L'eau est rejetée à 99% nettoyée, grosso modo, dans le milieu naturel. Puis après, ça refait un cycle et ça revient. D'accord. Une question de Didier. Ouais, il y a quand même des théoriciens, enfin sur l'eau, je pense à quelqu'un comme Riccardo Petrella, enfin l'Italien, qui parle souvent de l'eau comme bien public mondial, qui serait la première ressource justement parmi les biens communs, les biens publics. Qu'est-ce que tu en penses ? Eh ben, bien entendu. Hein, moi, je me souviens qu'au moment de la crise grecque, on avait été interpellé par tous les Grecs qui disaient « Mais regardez, là, pour régler la dette, on est en train de revendre notre bien collectif, nos régies publiques, etc. Aux multinationales comme Veolia, etc. » À Thessalonique en particulier. Voilà, tout à fait. Puis voilà, puis après, moi je pense que ces entreprises, ces multinationales, ne sont pas là pour le bien public. Elles essayent de se donner un air, comment on va dire... Gainwashing un peu. Oui, voilà. Mais en fait, elles sont là pour faire de l'eau. Il faut quand même se souvenir que Suez, il y a 100 ans, 150 ans, c'était les banquiers qui finançaient le creusement du canal de Suez. Quoi. Oui. Et donc, en fait, dans les conseils d'administration de ces multinationales, on retrouve les descendants de ces banquiers. Mmh. Et ces banquiers, eux, ils savent faire des choses, ils savent produire de l'eau. Suez qui s'appelait la Lyonnaise des eaux, d'ailleurs. Oui, voilà. Ils savent produire de l'argent. À partir de l'eau. Donc, effectivement, ça devrait être un bien mondial. Effectivement, on devrait être dans une logique, on devrait faire attention à... faire en sorte que chaque personne puisse avoir accès à l'eau, à bénéficier du minimum vital. Et du minimum qui permet au niveau santé, les choses sont nettoyées, etc. Enfin, tout ce qu'il faut pour que il n'y ait pas de gâchis. Oui, enfin, pas, mais au niveau sanitaire, enfin, ouais, ben, voilà. De risque sanitaire. De risque sanitaire, voilà. Et puis, après, il y a aussi un autre type de gestion de l'eau. Hein. Vous savez que quand... on peut parler de l'eau virtuelle. Donc si, ici, des fois, on fait venir pas, pour notre bétail, on fait venir des céréales qui ont été produites, par exemple, en Afrique, au Maghreb, etc. Là où la céréale a poussé, elle a consommé l'eau. D'accord ? Donc elle représente une certaine quantité d'eau, et puis nous, on l'importe. Et on capte l'eau de pays qui sont dans une logique d'échange avec nous, qui n'est pas forcément dans ce pays-là. On a fait pousser du blé, par exemple, pour notre bétail, mais on n'a pas fait pousser du blé pour les populations locales. Et l'eau qui aurait pu être utilisée pour les populations locales, eh ben, on l'a confisquée, etc. Donc là-dedans, au niveau de l'eau, on aurait intérêt à avoir une gestion plus globale, une vision plus globale des choses. Ben c'est René qui va poser une question là. Oui, justement. Alors, au sujet de la tarification au niveau de la MEL, en 2016, au moment du changement de délégataire, il y a eu un changement de la tarification auquel certainement que le collectif eau en a pris en compte, je crois, certaines revendications du collectif eau. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi... Alors tout à fait, nous on revendiquait bien sûr la gratuité des premiers mètres cubes. Et cela supposait après une tarification progressive. C'est-à-dire que il faut faire en sorte que... les biens vitaux puissent être... on peut pourvoir aux biens vitaux, mais après, il ne fallait pas aller dans le gaspillage. C'est-à-dire que si je prends un litre d'eau pour vivre, ce n'est pas la même chose que si je prends un litre d'eau pour remplir une piscine avec un usage luxueux des choses. Hein. Donc nous, on revendiquait la gratuité des premiers mètres cubes et une tarification progressive. Quand il y a eu le changement de prestataire... ils ont essayé de réfléchir à ça. On demandait la suppression de l'abonnement aussi, nous. Oui, c'est ça. Parce que, en fait, si on regarde bien, l'abonnement, ça n'encourage pas à faire des économies. Puisque on paye 30 euros, enfin, je ne sais plus à l'époque, c'était 30 euros, 60 euros l'année, 60, je crois. Et donc, qu'on consomme ou pas. Donc, la personne âgée, qui est toute seule dans sa maison, qui ne consomme pas beaucoup d'eau, elle payait cet abonnement au même prix que des gros consommateurs, etc. Et ça n'encourage pas à faire des économies du tout, puisque de toute façon, c'était... Donc nous, on demandait la suppression de l'abonnement. Ils ont entendu ça. Ils ont maintenu à l'époque un abonnement à 5 euros. Et en faisant ça, ça a diminué le prix de l'eau... jusqu'à une consommation de 132 litres par jour, je pense, de mémoire. Et après, au-delà, ceux qui étaient des gros consommateurs payaient leur eau plus cher. Donc voilà, donc ça c'est au niveau de la tarification. Ceci dit, ils ont accompagné ça, parce qu'ils n'accédaient pas à la notion de gratuité, à un tarif, ce qu'ils ont appelé éco-solidaire. Donc pour bénéficier de ce tarif, il fallait être bénéficiaire de la CMUB CMUC, je ne sais plus comment c'est. CMUC, voilà. C'est-à-dire qu'il y avait quand même très peu de personnes. Et il fallait être abonné direct à Iléo. Voilà. Iléo maintenant, ouais. Bon, les gens qui habitent dans les immeubles ne sont pas des abonnés directs à Iléo, c'est le bailleur social. Et où on trouve les gens qui bénéficient de la CMUC ? Dans les immeubles. Généralement dans des collectifs, oui. Et donc, en fait, ça posait problème, ça pose toujours problème. Il y a des chèques eau qui sont donnés pour essayer de compenser, etc. Mais tant qu'on ne sait pas qui est derrière chaque robinet, Et autre problème, le tarif solidaire, il est le même prix que le tarif le moins cher que payent les entreprises. C'est-à-dire que, ici, sur la MEL, les entreprises payent un abonnement qui peut grossir en fonction de leur consommation, mais plus elles consomment, plus ça baisse. C'est-à-dire que c'est illégal. C'est dégressif. C'est dégressif. Non, on n'a pas le droit normalement. Hein. Ah oui. Et par contre, le prix le plus haut qu'elles payent, c'est le prix que le plus bas, le tarif solidaire, quasiment égal du bénéficiaire de la CMU-C. Moi, je vous laisse réfléchir à ça. Ça pose quand même beaucoup de questions. Veolia est au CMU, on avait bien compris. Oui. Mais si vous voulez comprendre bien la discussion, c'est que René fait partie du collectif O et c'est un membre actif aussi. Voilà. Une question de Didier encore. Oui, à propos du collectif O, on avait connu quand même une période où on avait des grands débats publics, notamment à Lille. Enfin, il y en a eu aussi à Roubaix, il y avait Gabriel Amar, il y avait quelqu'un de la Fondation Mitterrand, je me souviens. Touly. Jean-Louis Touly, ouais. Oui. Et bon, il y avait aussi des interventions des syndicalistes maison qui étaient plutôt réservées quant à un retour en régie publique. Donc il y avait quand même une certaine effervescence autour de ça, on en discutait pas mal. Et où en est le collectif O actuellement? Oui, alors bon, alors l'effervescence a un peu baissé, ça serait bien que ça puisse remonter. Hein. Oh. Effectivement, hein, on a organisé des débats publics. Moi, je me souviens que la MEL avait organisé des débats publics aussi. Les débats publics, c'est consister à l'heure où les citoyens travaillent, à inviter des représentants d'associations et puis de discuter des possibilités. C'était en 2013. C'était en 2013. Je me rappelle bien. Et nous, on n'était pas d'accord. On avait organisé notre propre soirée à l'heure où les gens ne travaillent pas. Une soirée de discussion. On avait invité le vice-président de la MEL, qui était... Alain Cacheux. Très si. Bien, Alain Cacheux, bravo. Quelle mémoire. Oui, oui. Et donc, bon, il n'avait pas voulu monter la tribune, mais il était quand même intervenu de la salle, il était venu. On avait imposé que Gabriel Amar soit entendu dans les débats de la MEL. Et puis, on était intervenu par-ci, par-là, dans différents endroits. Hein. Après, on a fait aussi, on a multiplié les débats pour expliquer la question de l'eau autour de nous. On a été dans dans beaucoup de communes. On a vraiment beaucoup travaillé. Hein. On a vraiment. Bon, voilà. Après, bon, c'est toujours la même chose. Hein. Ça a vécu 10 ans. Une intense folie. Ça avait été créé en 2012, le collectif. C'est l'année de... ou 2011. 2011, très exactement. Voilà, je m'en souviens parce que c'était le jour de mes 50 ans. C'était pour mon anniversaire. Et là, j'ai 61 ans. Donc, en fait, effectivement, là, on a été un peu désabusé par les votes de la MEL qui reconduisent d'avance le principe d'une délégation de service public. Avec une abstention du PC, je crois. Enfin, oui, voilà. Donc là, le combat est à reprendre. Voilà. Nous, on est prêts à y aller. Hein. Je pense qu'on peut réunir autour de nous toutes les volontés, toutes les personnes qui ont envie que ça change au niveau de la métropole. Tout à fait. Oui, alors effectivement, alors, je me demande, moi aussi, je me posais la question de savoir si on n'allait pas avoir une opportunité, parce que est-ce qu'on va pouvoir, je parlais tout à l'heure de la tarification également, est-ce qu'on ne va pas avoir une augmentation du prix de l'eau du fait de sa rareté prévisible, ce qui est rare et cher, etc. Hein, mais bon, voilà. Et a fortiori, bon, les autres dépenses de type assainissement à cause de la pollution, etc. Est-ce qu'on ne va pas vers une augmentation assez sensible du tarif de la tarification de l'eau? Donc le collectif eau aura peut-être quelque chose à faire. Et notamment aussi avertir, je pense, dans son rôle d'éducation populaire, sur la consommation de l'eau qui peut plus être maintenant, on ouvre le robinet, puis c'est tout, qu'on réfléchit un peu à ce qu'on consomme. Est-ce que ça passe par de la formation, j'en sais rien, mais surtout du conseil, je pense. Ah oui, ben nous, je pense qu'il faut poursuivre un travail de conscientisation de la richesse de ce que représente cette ressource, quoi, et faire en sorte qu'on ne la gaspille pas, déjà. On ne doit pas être que les seuls porteurs de ça. Je pense que si on est dans une logique de service public au niveau de la mail, ça doit être la mail aussi qui doit porter ça auprès de tout le monde. Elle l'écrit en tout cas. Hein. Ah, oui. Et ne pas considérer les gens comme des clients, mais considérer les gens comme des citoyens usagers, hein, les deux, faire en sorte de multiplier les débats permettant de s'approprier cette question, faire en sorte aussi que les choix soient discutés. Par exemple, est-ce que il faut faire venir de l'eau à grands frais d'ailleurs, ou est-ce qu'il faut être dans une logique d'économie? Ça peut être des discussions qui peuvent être tout à fait méritoires. Autre discussion, c'est jusqu'à combien de litres on peut supporter, combien de litres gratuits pourraient être donnés à chacun. Hein, voilà, ça permettrait donc de discuter du réseau, de voir ce qui est possible de faire ou pas. Je pense qu'il y a des possibilités. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on n'y met pas notre nez, le prix va augmenter. René, et ensuite Didier. Oui, donc par-delà, ça suppose aussi que la MEL revoie ses plans d'urbanisme et tienne plus compte de la possibilité de rétention en eau des sols, notamment en revégétalisant certains secteurs, comme certaines friches peut-être, et aussi en faisant en sorte que les sols redeviennent ou redeviennent plus perméables. C'est-à-dire moins d'artificialisation. Voilà, exactement. Non, tout à fait. Hein. Il y a tout un travail à faire là-dessus, avec aussi la qualité de ce qu'on cultive ou de ce qu'on fait pousser. Déjà dans les villes, on n'utilise plus les produits phytosanitaires. Oui. Enfin voilà. Mais il y a tout un travail à faire là-dessus. Il y a aussi un travail à faire sur dépenser moins d'eau. Hein, par exemple, ici sur l'Ambersart, il y avait un petit projet sur de démocratie participative, et il y avait un projet qui était d'utiliser des pots, des jarres, ça s'appelle des zoyas, et remplir d'eau de pluie ces zoyas pour faire pousser les plantes, etc. Mais encore faut-il que l'eau de pluie tombe, en fait. Voilà, c'est un peu et encore faut-il que... Mais c'est un problème qui n'est pas complètement négligeable. Ouais. Une pluviométrie qui est moindre depuis quelques mois. Là, tu parlais du futur et du réchauffement climatique. Est-ce que tu peux peut-être donner quelques éléments sur une éventuelle baisse des pluies qui viendrait en quelque sorte la normalité, en quelque sorte, dans le Nord, dans une région, a priori, plutôt humide. Mais est-ce que finalement, là, dans 10, 15, 20 ans, on va pas... Est-ce qu'il y a 10 ans, les scientifiques disaient, c'était que... Mmh. Il y aurait une augmentation de 40% de la pluviométrie au nord de Paris. Bon, c'est les seules données que j'ai. Hein. Après, effectivement, on constate que ce n'est pas de façon égale hein, et continue. Didier, peut-être. Ouais, est-ce que tu peux nous parler de tes fonctions, si on peut dire, au sein de la MEL? Enfin, tu représentes un peu les usagers, non? Il y a pas... Oui, alors... Je suis membre de l'Observatoire de l'eau. C'était très bien jusqu'il y a au nouveau président et peut-être le Covid, où d'un seul coup les réunions ont glissé dans la journée. Mmh. Et quand on travaille. Maintenant, tu pourras y aller. Maintenant que je suis à la retraite, je pourrais y aller. Mais quand on travaille, c'est difficile de pouvoir participer. On ne nous donne pas cette possibilité, en tant que citoyen, de pouvoir participer à des instances de ce type-là. Quoi. C'est de la malfaisance ? Je ne sais pas. En tout cas, il y a un gros problème à réfléchir là-dessus. René. Une question aussi peut-être sur les communes gardiennes de l'eau. Oui. Est-ce que c'est une initiative, une bonne initiative sans doute, mais est-ce qu'elle est vraiment efficace ou... Voilà. Alors... c'est une bonne initiative, je pense. Donc on est au-dessus des champs captants. De la MEL. De la MEL. L'initiative de la MEL. On est au-dessus des champs captants et donc il faut faire gaffe, hein, parce que effectivement, comme on disait tout à l'heure, si on utilise des pesticides, des machins, etc., ça descend dans la nappe phréatique et puis bon ben voilà quoi. Enfin c'est tout ça. Après il faut dépolluer, etc. Et ça coûte moins cher de ne pas polluer que de devoir dépolluer. Donc là, disons que c'est un effort qui est fourni par les communes qui essayent d'avoir un plan stratégique de développement qui soit autre que sur une utilisation classique qui pourrait nuire à notre richesse collective, l'eau. Donc en fait, c'est un bon procédé. Je pense que ça aurait été mieux si les populations avaient été plus associées et calculées. Si la population avait été invitée, là ça a été mis en place par les élus avec les forces vives, à savoir les entreprises, oui, et les associations. Et bon, c'est dommage, c'est un bien commun, c'est un bien collectif, ça appartient à tout le monde, donc tout le monde devrait pouvoir en parler et dire quelque chose. Alors ça limite les choses. Ça veut dire que sur ces 21 communes, on ne va plus pouvoir faire certaines choses. Il n'y aura plus de permis de construire qui vont être donnés de la même façon, il y aura des restrictions, il y aura des choses comme ça. Et puis, ça serait au bénéfice de tout le monde. Donc, en contrepartie, ce qui serait bien, c'est que ces communes puissent bénéficier de choses particulières, des aménagements spécifiques, qui permettrait un développement alternatif, je parle en transport collectif ou en transport doux, etc. Un développement alternatif à la route qui peut polluer, etc. Ouais. Et justement, avec les eaux de ruissellement. À ce sujet, on peut noter déjà quelques incohérences. La commune de Léquin, par exemple, fait partie des communes gardiennes de l'eau et il y a le projet d'extension de l'aéroport. Là, il y a un problème. C'est vrai, il y a un gros problème. Alors bon, il y a des endroits comme ça où on se permet donc de recouvrir, d'artificialiser au nom du développement économique. Mais c'est quelque chose qu'il faut revoir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'aéroport de Léquin, je vous laisse réfléchir là-dessus, le président, qui a voté pour en tant que président de la MEL, a voté contre en tant que maire de Péronne-en-Mélantois. De Péronne-en-Mélantois. Oui. Alors, je crois qu'on va terminer là-dessus, effectivement. Je vois que tu es très soucieux que les citoyens prennent leur part dans le débat de l'eau. Alors, tout ce qui est production, tarification, assainissement, etc. Comment tu penses faire ? Alors, je suppose que le collectif eau va être relancé ? Oui, moi j'aimerais le relancer. Maintenant, on va le relancer avec les personnes qui viendront et on déterminera ensemble comment on va faire. Moi, je veux bien être un facilitateur des choses, mais il faut qu'on unisse nos forces et c'est les forces de chacun qui sont importantes. Ok. On va terminer là-dessus. Merci Pierre-Yves pour ton intervention. C'est moi qui vous remercie. Et on va reparler, on va chanter maintenant. Qu'est-ce que tu nous proposes ? Vas-y, lance. Cher Florent. Oh, Dieu pour qu'elle dit non. C'était Véronique Sanson, rien que de l'eau. Et donc on passe aux actualités d'attaque. Merci Florent. On passe aux actualités d'attaque et puis bah, évidemment c'est René qui s'y colle. Oui, alors déjà au plan national, la défense de notre système de retraite, une lutte écologique et sociale. Le soutien aux mobilisations des salariés et salariés via également des associations et collectifs écologistes. Depuis Greenpeace jusqu'au soulèvement de la Terre. Pour Attaque, qui depuis longtemps cherche à favoriser une alliance de l'écologique et du social, ce soutien est une très bonne nouvelle. Il témoigne d'un élargissement bienvenu de la mobilisation. Dès lors, la mobilisation contre le projet d'Emmanuel Macron devient une lutte écologiste et sociale au nom de la double dimension d'un même impératif anti-productiviste. La défense des travailleurs et travailleuses et la défense du vivant. Quelques arguments pour avancer dans cette voie. Avec la part des retraites au taux arbitraire de 14% du PIB, la croissance devient une variable pour maintenir le niveau des pensions. On sait ce que l'obsession de la croissance a provoqué au cours du XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui de dégâts écologiques. Ensuite, la civilisation fondée sur l'exploitation du travail vivant est la même que celle fondée sur l'exploitation de la nature. Comme le souligne l'Alliance écologique et sociale, que nous relayons ici localement, à laquelle participe Attaque, l'urgence devrait être à la transition écologique et non pas à la casse des droits des travailleurs et des travailleuses. Un des arguments du gouvernement et qu'il faut faire des économies sur les retraites pour investir dans des projets d'utilité publique, notamment la transition écologique. Or, toute la politique d'Emmanuel Macron souligne un manque d'intérêt notoire pour ce secteur. Enfin, l'attaque contre le système de retraite par répartition va favoriser le recours à des plans de capitalisation pour compenser le manque à gagner. Outre qu'un tel système est inégalitaire, il favorise le financement d'industries polluantes. Aucun des grands acteurs de la retraite par capitalisation n'a tourné le dos aux industries fossiles. En effet, mais c'est plus de l'info que tu donnes, René, c'est une thèse carrément. De l'analyse. Une analyse. Des pressions inqualifiables sur l'Assemblée nationale, que s'est-il passé le 7 février ? Le matin du 7 février, une trentaine d'activistes et des rosistes d'attaque ont organisé une action désobéissante aux portes de l'Assemblée nationale. Oh là là là là. Pour dénoncer le caractère illégitime, injuste et injustifié de la réforme, bien sûr, les rosistes ont chanté et dansé « Nous, on veut vivre ». Ben voyons, comment c'est possible ça ? Dans le même temps, les activistes ont inscrit sur le sol à la craie 60 ans et installé une chasuble géante bleue sur la statue portant le message « 64 ans, c'est non ». Ce qui n'a pas manqué de susciter des réactions, un événement gravissime si l'on en croit les commentaires outrés des parlementaires du groupe présidentiel Renaissance et du, je vous le donne en mille, Rassemblement National. Et ensuite, appel unis et unis contre l'immigration jetable pour une politique migratoire d'accueil. Le nouveau projet de loi Asile et Immigration du gouvernement conduit à une négation radicale des droits fondamentaux des migrants et des migrantes. Il a pour objectif de graver dans le marbre et de radicaliser les pratiques préfectorales arbitraires et répressives. Systématisation des obligations de quitter le territoire français, qu'on appelle OQTF, et des IRTF, alors ça c'est l'interdiction de retour sur le territoire français, dans la suite des instructions déjà prises pour augmenter les assignations à résidence et le nombre de centres et locaux de rétention administrative. Suite à ça, un collectif d'associations et d'organisations syndicales, dont ATTAC bien sûr, appelle à une mobilisation le plus large possible. C'est le samedi 18 février, c'est-à-dire aujourd'hui, contre la répression, l'enfermement et les expulsions. Et le samedi 4 mars, une mobilisation partout en France contre la loi Darmanin. Alors, OQTF, c'est obligation de quitter le territoire français. Merci, oui. René. On va passer au plan local avec Didier. Alors, au plan local, donc, on a les manifestations contre la réforme des retraites donc, depuis le 19 janvier. Donc, participation régulière des trois comités de la métropole avec un rendez-vous fixe. Le 11 février, on a défilé avec l'Alliance écologique et sociale. Donc, c'était le collectif Plus Jamais Ça qui s'est rebaptisé, donc, qui regroupait Greenpeace, Solidaires, la CGT, la Confédération Paysanne, Oxfam et toutes les associations parties prenantes. Donc nous étions bien en place avec des objectifs, bien en phase avec les objectifs de l'Alliance écologique et sociale qui sont également prônés par ATTAC. Le lundi 6 février, donc on a eu un débat fort intéressant, ma foi, à Sciences Po avec Thomas Coutreau, donc redonner du sens au travail. On en a déjà parlé dans cette émission autour de son livre. Donc c'est un statisticien et un économiste qui est ancien porte-parole d'ATTAC. L'événement a rassemblé environ une centaine de personnes, donc avec des questions nombreuses et pertinentes de la part du public au cours du débat. Le vendredi 10 février, donc participation au rassemblement de l'association Dull Air devant le siège de la MEL, contre les projets urbains au bois blanc, les méthodes de concertation et en solidarité avec auprès des habitants du lotissement des aviateurs. On a encore Veolia dans le coup. Veolia encore dans le coup. Ouais. Et le mercredi 15 février, donc il y a eu une assemblée générale à initiative d'ATTAC Roubaix-Tourcoing. Donc à Roubaix, on proposait de lancer un collectif retraite pour ancrer localement la mobilisation. Donc voilà, on a attiré 15 personnes et on refait une autre assemblée générale le 22 mars, mercredi prochain, pour essayer d'aller au plus près des habitants dans les quartiers avec nos bâtons de pèlerin. Et enfin, une toute dernière information venant de NADA concernant l'extension de l'aéroport de Lille. C'est un appel pour interpeller Xavier Bertrand, donc le président de région, sur les réseaux sociaux et le mettre face à ses responsabilités. Ce sera le mardi 21 février à 18h45. Alors, comme ça se fait par Internet, le lien de connexion, c'est Prenez vos stylos et vos papiers. Ou écrivez NADA, simplement. Vous le trouvez. Oui. HTTPS, us06wb.zoom.us/j. Et ensuite, c'est 85792783185. Super, vous avez tout retenu, vous pouvez y aller. Numéro complémentaire. C'est à Florent de présenter son... Oui, donc 5 rendez-vous, 5 lieux différents. Une journée Joune, donc la Joune c'est une monnaie libre numérique. Ça sera la Chaufferie qui vous propose un après-midi en 3 parties. À 15h30, Joune et Communicus, un jeu de découverte de la monnaie libre. 18h, la présentation de la Joune. Et 19h30, les contributions au développement local. Donc ça sera le vendredi 24 février à 15h30, 5 rue Jean-Raymond de Grève, à Hellem. Projection de la sociale de Gilles Perret en soutien aux caisses de grève. Donc c'est un documentaire, je dois le rappeler, sur l'histoire de la sécurité sociale. Dans le cadre du dispositif de la coopérative Les Mutins de Pangé et à l'initiative du collectif de la NUPES de la 15e circonscription du Nord. Ça sera le vendredi 24 février à partir de 19h30. La projection est à 20h. Au café libraire Le Calibou, 1 rue de Bousquet, à Godzerzeld. Bousquet, Godzerzeld. Ouais, c'est compliqué. Au LAG, 2 projections de films en présence de la réalisatrice Lys Baron. 14h30, étudiants tous à l'usine, itinéraire de maoïste ouvrier. Et 16h30, dans nos prisons, une histoire de lutte. Et donc, c'est le samedi 25 février à 14h, 23 avenue Jean Jaurès à Liévin. Projection débat autour des lieux de vie réservés aux gens du voyage. 2 courts documentaires, Nos poumons, c'est du béton, un documentaire de 22 minutes sur les conditions de vie et la lutte d'un collectif de femmes gens du voyage à Hellem Ronchin. Leur lieu de vie, une aire d'accueil située entre une usine de béton, une concasserie et un champ arrosé de pesticides et la ligne SNCF. Donc deuxième documentaire, Mon voisin Lubrizol, 15 minutes. Septembre 2019, un incendie dévore l'usine pétrochimique de Lubrizol. Une odeur suffocante envahit la caravane de Vanessa installée sur l'aire d'accueil voisine. Depuis, cette mère se bat pour faire reloger sa famille. Ce film raconte son combat. Donc sera suivi d'une discussion avec le collectif des femmes d'Asso Vas, de William Acker, auteur de juriste et auteur de Où sont les gens du voyage, inventaire critique des aires d'accueil, et Léa Gasquet, journaliste et co-réalisatrice avec Thomas Pourlon de Mon voisin Lubrizol. Donc, ça sera le samedi 25 février à 18h30 à l'APU de Fives, 57 rue de Flers à Lille. Ensuite, pour la défense des libertés associatives, contrat d'engagement républicain, CER, financement et indépendance des associations, marchandisation de l'action associative, etc. Le monde associatif est de plus en plus inquiet. Donc, dans le bassin minier, un collectif interassociatif indépendant met en place une assemblée publique ouverte à toutes les associations. Objectif, s'informer sur l'ensemble des dispositions auxquelles sont de plus en plus soumises les associations et s'organiser collectivement pour y faire face. Donc, une première assemblée est organisée le jeudi 2 mars à 18h à Lens, au Le Toit Commun, 15 rue René Lannoy. Et je vais m'arrêter maintenant. Vous pouvez donc retrouver tous ces rendez-vous et bien d'autres sur lille.desmosphères.net. Au revoir et bon week-end à tous. Et au mois prochain, nous retrouvons Laurent Cordonnier.